qui passent dans ta vie. Tu les fixes puis elles s'enfuient. Aujourd'hui 30 ans plein d'amis, mais tu es seul toutes les nuits. Alors tu doutes, mais tu souris pour mieux cacher toutes ces envies. Et tu espères crier un jour aux yeux du monde. Un peu de douceur dans ta vie, la mise en scène t'ennuie. Si on joue de la tragédie et pas de comédie, acte 5, ce n'est pas fini. Alors tu doutes, mais tu souris pour mieux cacher toutes tes envies. Et tu espères crier un jour aux yeux du monde. Je t'attendais pour faire l'amour, je t'attendais pour voir le jour, je t'attendais pour un détour. Je t'attendais pour mon amour, en songe, en rêve, en illusion, en songe, en rêve, oh, oh, oh.